déplore mon état, je déplore l'état de Sarko et de ses putains de Cisra. On commence comme ça, freestyle de militant, Jibril le résistant. J'ai beau remuer ciel, mer et terre, dans ce monde c'est la demeure. L'ère mondialisation, tout le monde s'apprend dans le derrière. Donc pour dénoncer j'opère avec le vocabulaire que j'acquiers en BEP alors. Alors ma prose austère s'oppose contre ceux qui s'imposent et qui veulent nous faire taire. Je parle de Dassault, Martin Bouygues, Arnaud Lagardère. Ces blindés qui voudraient nous la faire à l'envers. Dans leur sarcolande, y'a pas de fraternité. Les Français sont divisés par la télé, la presse papier. L'égalité est entachée par la liberté des délits d'initiés que se croient les hauts placés. Dans leur sarcolande, c'est la nation sous répression. Tout est précaire, je suis sous pression, y'a trop d'interdictions. Donc les lois, je les respecte pas. De toute façon, je les connais pas. J'ai pas fait d'études de droit et j'écoute pas les actions majoritaire des médias qui vendent des armes aux pays en guerre sous l'influence de l'État. Clic bras, mon flow je le libère car je suis vénère. Ramène-moi des politiques que j'ai torpillé au nucléaire. J'en ai trop marre des dirigeants au pouvoir qui nous vendent leur savoir sans en avoir. Ces bâtards nous inculquent une morale et des valeurs à deux balles. Mes freestyles font scandale, normal j'en ai ras le bol. Je viens pas d'une cité, mais pourtant je suis excité. Je viens soulager mes nerfs en faisant du rap français. C'est pas ça qui me fait manger, je suis prolétaire. Dis aux dirigeants de pas venir me tester. La HH du Lest, police nationale, ministre du capital. Mon freestyle fait scandale dès ses premières phrases. Premièrement, je suis énervé contre la flicaille. La volaille qui remet des médailles pour faire mal. Ma voix, mon vote, ma liberté d'expression. Action, je critique cette société en décomposition. Ma réaction contre les chefs de cette nation en carton, c'est de rester actif en manif même si à la répression des hommes en bleu. CRS et Baqueux, ils gazent la jeunesse comme l'auraient fait les SS. Mais on les blesse avec nos slogans. Serrez vos fesses, nous vous rentre dedans. A toute vitesse les gens, c'est du peur à de militants. Clic bras, j'aime pas les... T'as les gardiens de la paix, ma classe d'âge à la rage, vous pouvez rien y changer, ok. C'était Jibril au MIC.